1936, mise en scène et réinvention de l'histoire. Écoutez la conversation avec Fido dans l'enregistrement sonore. Allez, Fido, on va jouer au portrait. Qui? Mais toi et moi, tous les deux, nous allons jouer au portrait ensemble. Toi, tu vas choisir quelqu'un. Non, tu ne dis pas qui c'est. Tu choisis quelqu'un. Mais tu ne dis pas qui c'est. Et moi, je devine qui c'est. D'accord? Tu as compris? Bon, alors ça y est. Alors voyons. Est-ce qu'il est blond, brun ou roux? Il n'est pas brun. Il n'est pas blond. Et il n'est pas roux. Non plus. Non. Alors il est châtain. Pas vraiment châtain? Plutôt marron? Est-ce qu'il est grand? Ah, il n'est pas très grand. Alors, il est plutôt petit. Il est gros? Non. Plutôt mince? Est-ce qu'il est méchant? Il est très gentil. Et il a les dents pointues et le nez rond? Est-ce qu'il fait de la planche à voile? Il ne fait pas de planche à voile. Est-ce qu'il joue au tennis? Il ne joue pas au tennis. Mais il joue au ballon et il est très bon à la course. Est-ce qu'il est très bon en saut en hauteur? Oui, et il préfère faire la sieste. Et est-ce qu'il aime les petits pains au chocolat? Oui, et les galettes bretonnes aussi. Et il est très intelligent. Alors, je ne sais pas qui c'est. C'est toi? Mais tu n'es pas quelqu'un, toi. Tu es un chien. Aïe, et ça ne va pas, non? Copyright 1994, Yale University.